scanning, go man, et kawamin, go man, et pawam, scanning, go man, et kawamin. Petit frère à la carrure imposant, espoir du grand frère au passé traumatisant. L'avenir du quartier aux faits divers choquants. La balle est dans ton camp, rend au quartier sa fierté. Sois la lumière pour toi et pour tes rivaux. Ramène le plus haut niveau pour tous les gens qui te sous-estiment. Montre-leur de quoi t'es capable.